Beaucoup de football à l'antenne de Dan Radio Sport aujourd'hui. Évidemment, avec la présence de Laurent Duvernay-Tardif dans notre secteur, on a parlé de football. On y a parlé avec Laurent. Et maintenant, on va faire le bilan du marché des joueurs autonomes qui s'est terminé. Ben, c'est pas mal terminé les grosses signatures. On va parler avec Alexandre Gauthier, les gagnants et les perdants. Salut Alex. Salut Danny. Alex, avant tout, je vais te parler de Laurent Duvernay-Tardif. Toi, tu y as déjà parlé. Je t'avais inclus. D'ailleurs, je t'avais même invité à venir aujourd'hui, mais tu pouvais pas. Mais quelle simplicité ce gars-là. Écoute, j'ai l'impression de parler à un chum. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'entendre certains extraits des entrevues qu'il a accordées aujourd'hui, Laurent. Et je dis Laurent, puis c'est quasiment ça, c'est quasiment un chum, tu as raison de le mentionner. Mm. Tellement simple. Pourtant, c'est un gars qui gagne des millions de dollars. C'est un gars qui pourrait se la péter plus haut que le trou, comme on dit. C'est un gars qui est parmi les meilleurs joueurs à sa position dans la Ligue nationale de football. Et il y a une entre-saison, là, une saison morte qui est quand même assez occupée au niveau de l'entraînement. S'il veut demeurer au niveau où il est actuellement, ben non, il choisit quand même de donner de son temps. C'est un gars qui fait de la médecine aussi. Il donne de son temps pour faire bouger les jeunes. Moi, je trouve que c'est tout à fait admirable de sa part. Il aurait pu le faire en fin de carrière. Il décide de le faire en plein milieu de sa carrière. Je trouve ça admirable. Ah ouais, ça fait changement de Pierre Lavoie. Je commence à être un peu tanné d'entendre un petit peu le même discours de Pierre. Écoute, ben c'est bon de changer de porte-parole, Danny, ouais, de temps bon. En temps. Là. C'est très bon de changer de porte-parole. Puis c'est ce que j'expliquais, Laurent, puis c'est bon parce que tu sais, quand on était jeune, Alex, on est de la même âge. Ça, j'y disais. Moi, on jouait à balle. On rêvait d'être des Tim Raines. On rêvait d'être des Marquise Grissom, et ainsi de suite. Ben, d'avoir des jeunes qui... On va peut-être rêver d'avoir des Laurent Duvernay-Tardif. On va peut-être jouer au football puis espérer que... Puis se faire à croire qu'on est Laurent Duvernay-Tardif, là. En tout cas, une chose est sûre. Ben, écoute, il évolue quand même pas à la position la plus sexy, la position de garde sur la ligne offensive, ouais. Mais quand même, là, tous ceux qui connaissent le football savent que Laurent Duvernay-Tardif, il joue à un haut niveau. Alors, effectivement, tous ceux qui pratiquent le football ont des chances de vouloir un jour peut-être être Laurent Duvernay-Tardif. Bon, OK, je t'ai fait revenir parce que c'est pas mal, on va faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé. Dans cette signature, beaucoup de signatures d'ailleurs dans la Ligue nationale de football cette année. Et CBS Sports, c'est là que j'ai choisi mon analyse. Eux, ils vont avec les gagnants puis les perdants. Dans les gagnants, ils mettent les Titans du Tennessee, c'est normal. Ils ont signé plusieurs joueurs, les anciens des Patriots, c'est normal. ils ont signé également, ils parlent des Saints de la Nouvelle-Orléans comme étant les gagnants. Il parle également de Eli Manning, Sammy Watkins, ça c'est pas vraiment. Mais dans les équipes, là, eux mettent les Saints de la Nouvelle-Orléans et également les Titans du Tennessee comme les grands gagnants de cet encamp de joueurs autonomes. Et c'est drôle, j'ai consulté au cours de la fin de semaine d'autres sources. C'est pour te dire comment, Danny, ça peut varier là, d'une saison à l'autre. Et j'ai consulté d'autres sources qui disaient justement que les signatures des Titans, quoique c'est des joueurs des Patriots, on avait payé beaucoup trop pour un gars comme Malcolm Butler qui avait fini l'année sur le banc des Patriots. Et on sait qu'il a peut-être quelques petits problèmes à s'entendre souvent avec ses entraîneurs de position. Malcolm Butler, c'est une tête forte, comme on dit. Alors, tu vas sur une source et je remets pas en doute la crédibilité de CBS que je consulte régulièrement, mais tu vois, ça dépend de certains sites. Moi, je te dirais, Danny, que les gagnants, les Titans, je pense qu'ils ont fait quand même de bons choix, quoique j'ai trouvé que le salaire était peut-être un peu exagéré, là, ce qu'ils ont donné en salaire, mais d'amener un porteur de ballon comme Dion Lewis, qui est un petit porteur dynamique, en arrière d'un gars comme Derrick Henry que j'adore. Je pense que pour l'offensive des Titans, ça va être extraordinaire. Et la signature de Butler, ben, est pas mauvaise dans le sens que Butler va être dans l'alignement. Il a payé un peu cher, mais avec Logan Ryan dans la tertiaire des Titans, ça risque d'être aussi fort intéressant là, comme performance. Donc, oui, je pense que les Titans, sans être les grands gagnants, on peut les mettre dans les équipes qui se sont beaucoup améliorées au cours de cette première phase-là. Toi, tu disais qu'elle était terminée. Moi, je vais mettre un bémol là-dessus parce que le marché des maraudeurs n'est pas encore décollé. Je pense que là, les gros noms sont sortis, mais il y a encore une phase là où il y a d'excellents joueurs, entre autres les secondeurs intérieurs et les maraudeurs ne sont pas encore sortis des meilleurs. je pense que là, la prochaine phase, on va s'attarder à ces joueurs-là, Danny. OK. Dans les perdants, on en parle plusieurs. On met Edgy McCarron. C'est drôle, hein? Edgy McCarron, moi, je le vois comme gars. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre, ce gars-là, avec les Bills de Buffalo. On le met, CBS le met dans les perdants. On met également les Patriots. Je ne suis pas surpris. Je suis très déçu des Pats. Moi, je m'attendais qu'on serait beaucoup plus agressif que ça. On met également les Dolphins de Miami comme étant perdants. Oui. Et on met également les Saints de la Nouvelle-Orléans comme étant perdants également. Ben, tu vois, tantôt, tu me disais, les Saints faisaient belle figure parce qu'avec la signature de Drew Brees à rabais, Moi, je pense que les Saints peuvent pas être mis dans les perdants. À partir du moment où tu as signé Drew Brees à ce prix-là, dans le marché actuel des carrières, tu peux pas être considéré comme perdant. Je pense que ce que les Saints ont mal fait, c'est d'amener Patrick Robinson, un demi de coin qu'ils avaient déjà avant de l'envoyer à Philadelphie. C'est un demi de coin qu'ils avaient dans leur cours et ils l'ont re-signé à gros prix. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on dit que les Saints en ont perdu un tout petit peu. Mais si on vient à AJ McCarron, là, tu vois comment ça peut être bizarre des fois les analyses. AJ McCarron, là, il est perdant pourquoi? Il est pas perdant parce qu'il s'est retrouvé dans une équipe qui est pas bonne pour lui. Je pense que les Bills à Buffalo, c'est une situation idéale. C'est une équipe qui mise beaucoup sur la course. Après ça, c'est une bonne défensive. Ils ont fait les séries l'année passée. Et là, dans le fond, tu te ramasses que tu échanges Tyrod Taylor contre AJ McCarron. Moi, je pense que pour les Bills, c'est une excellente situation. Là où on dit que McCarron est un perdant, c'est au niveau du montant d'argent qu'il a touché. Ça doit être ça, dans le fond, pourquoi on dit qu'il est perdant. C'est qu'il n'a pas profité de la manne des corps qu'il avait, là, qui ont signé comme Kirk Cousins ou tout ça. Dans le fond, lui, il aurait pu se situer dans dans quelques millions de moins par année que ces corps-là et il a été obligé de signer un petit peu à rabais parce qu'il a tardé dans sa signature. Mais moi, si tu me parles d'une équipe parfaite pour AJ McCarron, c'est les Bills à Buffalo. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir à Buffalo. J'ai hâte parce que c'est un gagnant, ce gars-là. Il a pas mal fait avec quelqu'un. Il était venu en remplaçant Andy Dalton. Et c'est un gagnant. C'est un joueur qui a joué avec son football collégial avec les Crimson Tide d'Alabama. Oui. Tu sais comment qu'Alabama, c'est année après année avec Nick Saban, c'est une attitude de gagnant et ainsi de suite. Donc j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qu'il va avoir dans le vent, ce gars-là. Mais tu sais, on disait qu'il a signé pour un petit peu moins d'argent qu'il aurait pu toucher. Moi, je pense que tu avais vraiment là une catégorie de corps très recherchée là, entre Cousins, Case ouais. Keenum, tu avais Drew Brees là sur le marché là, tu avais ce top là. Après ça, tu avais des corps comme puis tu sais, McCarron, c'est pas de sa faute là, mais il y avait Teddy Bridgewater que moi j'adore. Bridgewater, tu le sais, on en avait parlé au repêchage, j'aurais repêché ce gars-là sans aucune difficulté. Là, ça fait 2 ans qu'il joue plus à cause de ses blessures, mais c'est un gars-là qui était disponible. T'avais donc des ce qu'on appelle des middle tiers, des carrières du milieu. Il y avait un bon groupe. Et puis en plus, tu arrives au repêchage, ça on aura l'occasion d'en reparler, mais t'as 6 corps qui valent d'être repêchés dans la première ronde et demie. Là. Ça fait que, tu sais, le marché a joué un grand rôle là, dans la signature de McCarron. Est-ce que t'es surpris de... avant de parler de cet échange-là, les Jets de New York, es-tu surpris de voir que Kirk Cousins... En fait, le grand gagnant, c'est Kirk Cousins, 80 millions garantis. Oui, puis en même temps, tu vois que Danny, comment ça peut être tordu. Là, on dit qu'il a 84 millions de garanties. Pour les Vikings, ça pourrait signifier 2 participations peut-être au Super Bowl dans les 2 prochaines années, admettons. Parce qu'on s'entend pour dire que là, il a l'équipe, la défensive, là. Il y a une équipe tout à fait talentueuse devant lui. Mais en même temps, si ça vire mal, c'est un pari extrêmement risqué, Danny. Mm-hmm. Imagine, c'est un contrat qui est garanti. C'est un contrat qui compte pour énormément sur, c'est peut-être quoi, 20 quelques pourcents sur la masse salariale totale de l'équipe. Ça veut dire que si l'expérience Kirk Cousins ne fonctionne pas l'année prochaine, où il se blesse à un genou, admettons, à un ligament tordu qui met fin à sa saison, qui va peut-être handicaper la saison suivante, ça veut dire que les Vikings vont être obligés, sans même profiter de Cousins, seraient obligés de démanteler leur superbe défensive qu'ils ont réuni au cours des dernières années. Mmh. Tout ça à cause d'un contrat qui est garanti. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un high risk, high rewards, donc une récompense qui pourrait être très élevée, mais en même temps, d'un très, très grand risque, là, ces contrats garantis. Les Jets de New York ont bâclé une transaction avec les Colts d'Indianapolis. Ils ont cédé le premier choix aux Colts, le 6e au total, en plus de 2 choix de 2e ronde. J'espère que ça ne donnera pas des idées à Marc Bergevin. Et d'un autre en 2019 pour obtenir. Donc, ils ont payé cher pour avancer de 3 rangs. Et tout indique, je lisais ce matin, cette semaine, les observateurs qui disaient qu'on veut un carrière, parce que c'est une année riche, donc en carrière. Et écoute, Vince Cochon disait, enfin, puis un matin, mais je suis pas d'accord avec, il disait que le meilleur corps des Jets depuis 25 ans était Chad Pennington. Moi, je dirais que c'était Vinny Testaverde. Ça commence à remonter à des lunes, là. Oui, ça remonte à des lunes. Ben, je suis pas en désaccord avec Cochon. Pennington, ça a été un très bon corps. Il avait été repêché en première ronde. Il a joué selon les attentes. Ça peut être un grand corps. C'est un bon corps arrière. Mais comme tu dis, la manne des Jets est pas très, très grande. Testaverde a été le corps des Jets pendant seulement une couple de saisons. Faut pas l'oublier non plus. Ça a pas été très, très glorieux comme expérience. Mais écoute, Pour en revenir à l'échange, parce que c'est de ça dont on veut parler, moi je ne pense, je pense qu'ils ont peut-être payé un deuxième choix, je te dirais, de trop dans, si tu regardes la compensation que normalement tu aurais dû donner. Mais oublie pas que les Redskins se sont déculottés pour aller chercher Robert Griffin III. Ils ont donné 3 premiers choix. Ils ont, tu sais, c'est pas la première équipe à se déshabiller, si on peut dire, en nombre de choix pour aller chercher un quart. Là, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont payé cher pour monter de 3 positions. Mais oublie pas, Danny, que s'ils mettent la main sur le quart arrière recherché et que ce quart-là s'avère être un Carson Wentz, être un Jared Goff, et ça solidifie la position des Jets pour 15 ans. Est-ce qu'on va s'en foutre, mais royalement, du choix de deuxième ronde de trop qu'ils ont payé? C'est sûr. Bon. Ça signifie, Danny, là, puis là, on aura l'occasion de s'en reparler pour le repêchage, mais ça signifie que ça va être un repêchage extraordinaire parce qu'on va avoir probablement 6 corps arrière qui vont sortir dans les 15 premiers. Et ça va être une course aux échanges, une course aux choix au repêchage. Ça va être bien le fun de voir ça. Dans une année, dans une période où il n'y a pas de carrière, c'est pas compliqué, là. Il n'y a pas beaucoup de bons carrières. Donc là, d'en sortir 6 dans un an, c'est très idéal. Alex, je vais te laisser. Tu m'avais donné jusqu'à 17h pour enregistrer ce podcast. Donc c'est maintenant fait. On se reparle pour le repêchage avec les analyses, encore une fois, un peu comme on a fait les gagnants, les perdants, puis les analyses des meilleurs prospects. Tout à fait. Alexandre Mercier, le repêchage des agents libres dans la Ligue nationale de football.